Lundi matin 7h, le métro est blindé. L'amour t'a perverti, le travail t'a tué. L'argent te manque et l'amitié t'a massacré. L'espoir et l'honneur ont disparu à jamais. Tu sais, peut-être que tout ça arrive à rien. Ce sera bien, elle, notre assassin. Alors, cette chaîne de vie, vaut-elle la peine d'être pleurée? L'avenir et le temps seront là pour juger. Juger. Il est 16h passées, je reviens la tête vide. Le patronat m'a pris ce que j'ai gagné en ride. Les gens me toisent comme l'épave que je suis. Je craque mes doigts à défaut de craquer ici. Mais tu sais, peut-être que tout ça rime à rien. Ce sera bien, elle, notre assassin. Alors, cette chaîne de vie vaut-elle la peine d'être pleurée? L'avenir et le temps seront là pour juger. Juger. Mais tu sais, peut-être que tout ça rime à rien. Ce sera bien, elle, notre assassin. Alors, cette chaîne de vie vaut-elle la peine d'être pleurée? Le temps et l'avenir seront maintenant nos seuls alliés.